Bienvenue sur le balado 42 de la radio moderne. Au programme cette semaine, Escape, RJD2, Mark Langan, Jerry Bryan, All Natural Lemon and Lime Flavors, Gene Clark, The Toys, les Foo Fighters, Marc Barreca, Lee Ranaldo, David Bowie et Bauhaus. C'est parti. Oh, La fulgurante ascension des Dickies, les menant à signer chez A&M en 1978, nourrit beaucoup de jalousie envers eux dans la scène et on leur reprocha d'être seulement entrés là-dedans pour la thune. Ils s'étaient seulement imaginés comme des superstars de underground avec des modestes objectifs d'apparaître dans les pages de Slash et de jouer en tête d'affiche au Whiskey. Le contrat avec cette major les prit par surprise. Le manager de notre groupe de LA leur proposa une audition et fut si impressionné qu'il finança une démo. Celle-ci sonnait tellement bien qu'au lieu de la sortir sur un label local, le manager la démarcha auprès des majors et retient l'attention d'A&M. Après avoir sorti le hippie Paranoid et une reprise de Black Sabbath, ils sortirent deux albums géniaux en 79 et 80. Ils tournèrent en Angleterre, soutenus par un hit au top 10, leur reprise furieuse du thème de l'émission télé Banana Split, que en France Lio reprendra sous le titre Banana Split, et eurent généralement un succès immédiat. Ils avaient une image punk inoffensive et facilement commercialisable, mais leur sens de l'humour était une contribution importante à la communauté punk, souvent trop sérieuse. Et leur musique était une des plus survoltées et mélodiques à la fois ayant jamais existé. Extrait de Going Underground par George Urshala. You told a lie and now you're gonna cry, baby, I'm walking out on you. Well, I saw you with him just the other day. Hey, you told a lie, honey, now you're gonna pay. I hope you're sad, maybe then I'll be glad, baby, I'm walking out on you. Everything was just alright till I saw you with him just the other night. Well, I'll find a new baby, baby, she'll be so fine. And I'll be sure that she's really mine. She will be my one and only, and I know that she'll be lonely, baby. I'm walking out on you. Go, Kenny. Saw you with him just the other night. Well, I find a new baby, baby, she'll be so fine. And I'll be sure that she's really mine. She will be my one and only. And I know that you'll be lonely, baby. I'm walking out hard on you. Yeah, I'm gone. Ain't no stopping me. Alinen s'est rendu dans la maison des Criqui et a appelé le numéro de l'ex-mari. Il a laissé sonner un bon moment sans obtenir de réponse. Vig Irvin est entré. Il a dit « Deb Wyer a trouvé la voiture de la victime, garée derrière un bar sur Valley Boulevard. » Le bar s'appelait le Desert Inn, l'auberge du désert. Il était situé au 11 721 Valley, à 3 km de l'endroit où on avait largué le corps, à 1,5 km du domicile de la victime. C'était un bâtiment de plein pied, au toit plat à bardeaux d'argile rouge, avec des auvents aux fenêtres en façade. Le terrain à l'arrière s'étendait jusqu'à une ligne de bungalows bombardés en stuc. Une bande herbeuse plantée de sycomores divisait quatre rangées d'emplacements de stationnement. Des chaînes basses fermaient les côtés du parking. Une bouique rouge et blanche était rangée près de la clôture côté ouest. Des wires étaient debout à côté d'elle. Jim Bruton et Harry André étaient debout près d'une rodeuse du shérif. Aledzel était là. Blackie McGowan était là. Alinen et Lawton sont garés dans le parking. Vig Irvin et l'adjoint aux empreintes sont arrivés dans des voitures séparées. Dave Wyer s'est avancé et a détaillé la succession des événements qui l'avaient conduit là. Il avait entendu l'appel donnant le numéro minéralogique et commencé à inspecter petites rues et parcs de stationnement. Il avait trouvé la voiture de la victime à 15h35. Elle n'était pas verrouillée et ne paraissait pas avoir été saccagée. Il avait inspecté les sièges avant et arrière et n'avait pas retrouvé les clés de la voiture, ni le sac à main de la victime, ni ses dessous ou ses chaussures. Il avait, cependant, trouvé une demi-douzaine de boîtes de bière vides. Celles-ci étaient enveloppées de papier marron noué d'une ficelle. Alinen et Lawton ont examiné la voiture, laquelle paraissait immaculée, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'adjoint aux empreintes a photographié intérieur et extérieur et passé à la poudre portes et tableaux de bord. Il n'a trouvé aucune empreinte résiduelle valable. Extrait de Ma part d'ombre, James Ellroy. We'll be right back. rain came down again, washed away the light, so night could then descend. I saw your face again. Rain came down today. The things we had to say were also washed away. Again, that was yesterday. And oh, I feel the same. I can't go back again. I don't know what it means, but I saw your face again. Rain came down today. The things we had to say were also washed away. Again, that was yesterday. Can't go back again, because the rain is gonna come another day. Difficile. Je répondrai. Pour moi, il y a une succession historique. Je pense qu'il n'y a pas. Les stades ne s'imbriquent pas les uns dans les autres, car il y a véritablement. Alors, nous, on va parler ce matin du passage de l'esthétique à l'éthique. Il y a un saut. Il y a un saut, et ce saut transforme de fond en comble notre existence. Et Kierkegaard va même jusqu'à utiliser la métaphore du sacrement. À partir du moment où j'ai fait ce saut, à partir du moment où j'ai fait ce choix primordial de mettre ma vie sous le régime du choix, eh bien alors, c'est quelque chose qui est indélébile, de même que le sacrement religieux nous marque à jamais. Ensuite, on peut rechoisir à nouveau l'esthétique. Simplement, l'esthétique dès lors sera moralement qualifiée. Alors qu'auparavant, avant ce choix primordial, une phrase très belle de Kierkegaard, je trouve, qui permet de bien saisir cela. Il dit « L'esthétique n'est pas le mal. L'esthétique, c'est l'indifférence. » I really visiting is fritzing. Visiting is good. Seems that all they ever wanted was a brother. Quinquina pour Raphaël. Le noir, toujours le noir. Le rouge était mis pourtant, et bien mis, mais je voguais dans le noir. Des ondes de souffrance partaient de mon cou, dégringolaient la colonne vertébrale comme s'il se fût agi d'une rampe d'escalier, et arrivaient aux lombes se répandaient dans chacune de mes guiboles. Bon Dieu qu'il faisait noir. Ouvre les yeux, me dis-je. C'était une idée, une bonne idée. Une idée Nestor Burma, de ces idées qui ne viennent pas à tout le monde. J'ouvris les yeux avec peine, sur du noir. Pas tout à fait noir. Et dans ce noir, pas tout à fait noir, il y avait un vert luisant. Je devais être noir aussi. J'avais été vendu avec l'ensemble. Je n'avais pas chaud. La tête me brûlait, mais pas les pieds. Je regardais le ver luisant et essayais de l'attraper. J'étais couvert d'un tas de saloperies qui, dans le mouvement que je fis, dégringolèrent en tintinabulant. Brusquement, j'eus le ver luisant sous le nez. C'était ma montre, 7 heures. Du matin ou du soir? Plutôt du soir. Je me mis sur les genoux et envoyai dinguer quelques nouvelles boîtes de conserve. Ce n'étaient peut-être pas des boîtes de conserve. Je parvins à me mettre debout, et tourne les chevaux de bois, les gueules de bois, le bois dont on fait les cercueils. Un peu de lumière, s'il vous plaît, agence Fiat Lux oblige. Je cherchai l'interrupteur, le trouvai après avoir encore une fois culbuté de la quincaillerie, et le manœuvrai. Je m'emparai en vitesse de mon chapeau qui n'était pas loin, et m'en protégeai les yeux. Puis je regardai mes pieds. Ils étaient très bien, mes pieds. Ils pourraient peut-être m'aider à foutre le camp. Le parquet était jonché de médailles, de décorations, d'un tas de bibelots de ce genre. Croix de guerre, croix de la Légion d'honneur, croix de ceci, croix de cela. Tout cela avait valsé au cours d'une sacrée bigorne. Croix de bois. Pas de croix de bois? Dommage. Et deux croix de bois, deux. J'enjambai Miret, puis Chassard, et allai voir s'il y avait une cuisine ou quelque chose comme ça dans cet appartement du bon Dieu. Je ne trouvais pas de cuisine, mais je trouvais un peu de gnôle dans un coin. Je me gargarisai et ça alla mieux. Je bus ce qui restait et ça alla tout à fait bien. Presque. Je revins dans l'arrière-boutique, puis dans la boutique, puis encore dans l'arrière-boutique. Miré Octave ne trafiquerait plus. Chassard Maurice n'aurait plus besoin pour croûter de bêler un amour insincère sur des peaux qu'Elisabeth Ardenne était impuissante à rafistoler, ni à se prêter aux caprices de Grec graisseux. Deux pruneaux pour chacun, et voilà un tas de problèmes résolus. Une lettre dépassée de la poche de Mireille, je la pris. Enveloppe banale, papier banal, texte banal. Monsieur, nous nous excusons du retard que certaines circonstances indépendantes de notre volonté nous obligent à apporter à la livraison de notre marchandise. En dépit des événements, nous vous certifions que la marchandise sera livrée. Veuillez agréer, etc., etc. effacé du monde la manifestation, devenu un équipement érotique dans le dispositif de Bernard Hirsch. Tu es désormais une pierre de lune, trempée dans le soufre écrasé du soleil. Sur cette pierre est construite le pôle d'orientation de la ville nouvelle, la grande pyramide inversée de Sergi Pontoise. Make it. in lovers' eyes.